écoute bien mec, ça c'est une histoire vraie. Ce que je vais dire, je l'ai réfléchi, pensé. J'ai le temps de tourner en rond. Depuis 5 ans maintenant que je suis en prison. Je peux te dire mec que rien n'est facile. Mais dedans, là, c'est très difficile. T'as pas le droit de pleurer, pas le droit de rêver. T'as juste le droit de dire laissez, laissez. Laissez-moi, laissez, laissez. Laissez-moi. Moi je te dis mec, toi qui es dehors, toi qui pleures toujours, qui dis que la vie est un sort. Moi je te dis, profite de ta journée. Profite que tu peux te balader, que tu peux chanter. Arrête de rêver que le gang va te sauver. Arrête de dire que tu vas t'en tirer. C'est pas parce que t'as gagné 4 thunes en dealant hier soir que pour toi l'avenir est rose, pas noir. Moi je te dis mec, tu joues avec ta vie. Tu ferais beaucoup mieux de réfléchir la nuit. Au lieu de te dire que t'es beau, que t'es grand, tu vas en avoir. Moi je te dis, tu vas gagner 10 ans de placard. Alors écoute, laisse tomber. Il est encore temps pour toi de t'en tirer. Dis aux autres, ciao les gars, arrivederci. Moi je vais pas vous suivre toute la journée. Je voudrais, juste voudrais un tout petit peu vous expliquer juste ce que je veux. Ça tient en deux mots, ça va exploser. Je voudrais vous dire juste de chanter. Laissez, laissez entrer le soleil. Laissez, laissez. La solution, c'est toi qui l'as, c'est toi qui l'as choisi ou pas. Ou tu veux t'en tirer, ou tu veux en crever. Si tu veux en crever, mec, t'inquiète pas, ça viendra. Si tu veux t'en tirer, faut pas faire comme ça. Tu te lèves, tu te mates la gueule dans le miroir. Tu dis, je suis blanc, je suis noir, je suis juif, je suis chrétien. Je suis ce que je suis, ce que je veux, c'est vivre, vivre bien. Avoir une femme, être heureux, et plus être malheureux. Alors je vais aller marner, je vais aller marner, je vais aller marner, jusqu'à en crever. Et si les autres te disent que t'as tort, dis-leur laisse tomber. Car t'as tort, tu t'entêtes et t'as tort. Alors laisse-les encore parler. Et s'ils ont pas compris, tu peux encore leur chanter pour la dernière fois. Car après, tu t'en vas, alors écoutez bien les gars. Faites comme moi. Laissez, laissez entrer le soleil. Laissez, laissez.